Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation pour deux heures de bon rock progressif. Et on va pas courir les plus récentes années, évidemment, dans le rock progressif jusqu'aux nouveautés de 2019. On va débuter avec Eccentric Orbit, cette formation américaine et leur album Creation of Humanoids. Ensuite, on aura une pièce de Caravela Escarlate. Ils sont du Brésil. C'est leur album éponyme, vraiment excellent, la pièce Planeta Estrella. Et on aura aussi la nouveauté de Iz, de leur plus récent album Don't Panic, la pièce Moment of Inertia. Sur les ondes CKRL, l'émission Terra Incognita.

We'll be right back. L'excellente formation américaine Is, tirée de leur plus récent album Don't Panic. Juste avant, l'autre excellente formation, celle-là du Brésil, Carabella Escarlate, avec leur album éponyme. Ça, c'est disponible sur Charisma, ça a été réédité l'an dernier. Ça a été paru il y a 2 ans. Et on avait débuté avec Eccentric Orbit, le second album de cette formation américaine, l'album Creation of Humanoids. On vous invite à venir faire un tour sur notre site web là, pour voir ce qu'on fait jouer et accéder à nos podcasts d'émissions. Et on parle un peu de spectacles qui s'en viennent là, bientôt. Le 31 juillet, The Aristocrats au bar le d'Auteuil. Ensuite, le 10 août, il y a Arena à la salle Jean-Paul Tardy. Qui était supposé venir là le 30 mars, mais finalement ça a été déplacé. Mais ceux qui sont en vacances comme moi, ils peuvent pas y aller. Alors ensuite, il y a un paquet de spectacles cet automne, là, le 17 septembre, pour ceux qui, évidemment, qui ont la chance d'avoir eu des billets pour King Crimson au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Ils viennent pas à Québec, malheureusement. Il y a Steve Hackett qui vient le 15 septembre à Québec, au Grand Théâtre. Le 27 septembre, Rick Wakeman au Palais Montcalm, avec son spectacle de Grumpy Old Rockstar Tour. Ensuite, au mois d'octobre, The Project, avec Red Sand, à la salle Sylvain Lelièvre, programme double. Alors, à ne pas manquer. Et puis, au mois de novembre, il y a 2 spectacles qui viennent de s'annoncer récemment. Le 10 novembre, il y a Mystery, qui vont faire la dernière spectacle de leur tournée Live and Butterflies Tour. Ils ont parcouru 7 pays et ils terminent ici à Québec le 10 novembre. Le 23 novembre, House, un autre groupe, formation de Montréal aussi, mais à la scène de Bourgneuf, les deux. Alors, le 10 novembre, Mystery, le 23 novembre, House, le 26 novembre, c'est le Pineapple Thief au Palais Montcalm. Et le 1er novembre, il y a aussi Kansas au Grand Théâtre. Alors, beaucoup de spectacles à venir, c'est l'automne qui s'en vient. Mais en attendant, ben on est l'été, puis Bruno nous a fait encore découvrir un paquet de musique. Alors, on s'en va en pause, puis au retour, on vous en reparle. CKRL.QC.ca. Les cinémas en plein air dans Saint-Roch sont de retour. Le mercredi 7 août, la Barberie vous présente le film Les Goonies. La projection du film sera précédée du visionnement de l'épisode 1 du filet social sur l'Aubrivière, une série documentaire à caractère social réalisée par les frères Seaborn. Rendez-vous au parc John Moon, situé à l'intersection des rues de la Reine et Saint-Roch dès 19h30. Entrée gratuite, apportez votre chaise, c'est un rendez-vous, le 7 août, annulé en cas de pluie. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Les sessions de La Fabrique présentent Cristobal Valence. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Ben, comme je le disais, Bruno nous a concocté un prochain bloc musical avec des formations peu connues, si je peux le dire. D'ailleurs, la première formation, ils sont de l'Islande, Eldberg. Ensuite, il y a Tempano et Profuna Ocean. Alors, des groupes étrangers, évidemment. Alors, allez faire, comme je disais, un tour sur notre site web pour voir ce qu'on fait jouer. Puis, on fait confiance à Bruno qui nous fait toujours un super choix musical. Alors, donc, Eldberg, Tempano et Profuna Ocean. Thank you. betur voru lífi öll á burt og hann gerir okkur snjó Gefstu og gengur út á vill Hver stjórnar okkur þá? framhjá augum þér og þú finnur einnig á þig. Æfin líður líkt og hræðistar að stað í tíma tönn og aldrei snýrðu aftur. Þarfir hvers og eins sjáðu fortíð gleypa framtíðina sem verður þá eitt tíð því nútíð eina skeiðið sem alltaf verður við allt sem að liðið mun gleypt og grafið í tímans förður leið kemur til með að hvíla handan mistur smána tíminn hverfur líf sem fallið þá bræðir lífsins skau hverfur mun og verða á því lítur klukkulag mankinni streyma fram úr sér Song. suis un disque. Oh là là là, c'est K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et image. Audiolite.qc.ca. Pour sa 24e édition, le Festival des Journées d'Afrique de Québec dans ses rythmes du monde fait vibrer la ville de Québec. Les artistes de toute origine se donnent rendez-vous du 25 au 28 juillet pour célébrer le chant, le rythme et vous donner la cadence. Le Festival des Journées d'Afrique de Québec vous est présenté grâce au soutien de la Ville de Québec, le gouvernement du Québec, Patrimoine Canada et CKRL 89.1. Consultez la programmation sur festivaljournéesdafrique.com. De retour à CKRL, Terra Incognita. Évidemment, on est toujours sur CKRL et de retour à Terra Incognita. Et oui, et le choix musical là, qu'on vient d'entendre, c'est vraiment excellent. C'est Bruno qui nous a concocté ça. Alors, formation Profuna Ocean, qui sont des Pays-Bas. L'album Watching the Closing Sky, qui date de 2009, paru en 2009. Juste avant, il y avait Tempano, c'est un groupe du Venezuela, tiré de Selective Memory, et on avait eu la formation d'Islande Eldberg. On y va maintenant avec un bloc norvégien, un groupe assez connu et un peu moins connu. Donc, Wobbler d'abord, tiré de leur plus récent album From Silence to Somewhere. J'ai plus besoin de le présenter, là. C'est un des grands favoris de Terra Incognita. Et également, on aura la formation Kiss Kiss King Kong, tiré de B over B. Alors, on y va tout de suite en musique avec Wobbler et Kiss Kiss King Kong. from the tomb like the fragile sprout in twilight's gloom. To the world of foam, ancestral gold, the light of dawn. A web stretched out too long ago. Thank you. gently dancing in the wind, embracing the earth, my death and my birth, my warm winds caressed and enclosed in mirth. Here I lie at peace in solitude forever. And soar into the world once again. Gently dancing in the wind, embracing the earth, my death and my birth, by warm winds caressed and enclosed in earth. CKRL 89.1. Si j'avais les ailes d'un ange, chantait Charles Bois. Certains les ont eues. Au tournant des années 2020, il n'est pas inutile de savoir, de se rappeler, de découvrir que la boucane a déjà existé, ainsi que quelques barbus. Come on, baby, take a chance with us. Dans le numéro d'été de Nuit Blanche, Québec psychédélique. Regard actuel, espiègle, critique, parfois acide sur ces années de révolte et d'utopie. Celle des communes, de la revue Mamise, des Jean Basile, Georges Cal, Denis Vanier. Alors, de retour, Terra Incognita, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe Kiss Kiss King Kong de la Norvège, tiré de leur album Be Over Be, paru l'an dernier, en octobre dernier. Et là, c'était la pièce Past Times, et juste avant, Wobbler, de la Norvège également, de leur album From Silence to Somewhere, la pièce titre, absolument excellent. Ça, c'était le coup de cœur de 2017. Alors, on y va maintenant avec un dernier bloc musical. On débute avec un groupe de l'Espagne, El Tubo Elástico, tiré de Impala. On aura également Eloy, sur leur plus récent album The Vision, The Sworn, The Pyre, Part 1. On aura également Big Big Train, leur plus récent album Grand Tour. Ça vient de paraître il y a pas longtemps. On aura la pièce Pantheon. Et on aura également, pour terminer et faire une transition avec l'autoroute, la pièce de Caravan tirée d'album Calling Stunts, The Show of Our Lives. On y va tout de suite en musique, donc, avec toute ce beau choix musical de Bruno, et on se retrouve pour un petit mot de la fin. we sound to retreat, we lose all our hope. Our fortune is fading away. Desperation prevails in glorious hope. Downhearted now, we sink to the ground. Disappointment all around. Deepest depression is all that remains. Spread blood and strains, we're all in vain. Abandoned by God. laisse sur la musique de Caravane. Alors, c'était Bruno Côté à la mise en onde, au choix musical, et Marc Chaunet, l'animation avec vous depuis 22 heures. Restez les nôtres à l'autoroute. Soyez des nôtres à CKRL parce que l'autoroute, c'est dans quelques minutes avec Jacques Dulac. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL 89.1.